Et on retrouve Joëlle Constanza, chargée de communication à l'UFC Que Choisir 37. Bonjour Joëlle. Bonjour. C'est donc, vous l'aurez compris, la chronique consommation. Et cette semaine, nous continuons avec le tour des arnaques par Internet et notamment par mail, ce qu'on appelle le phishing. Alors, vous pouvez nous rappeler, puisque ça date de la semaine dernière. Oui, alors le phishing, on va le rappeler hein, vite fait, ou hameçonnage en français. Donc, c'est ce courriel frauduleux, souvent d'un organisme que vous connaissez, souvent officiel, hein, et qui a pour objectif d'obtenir des données personnelles, le plus souvent vos données bancaires. Donc, le courriel vous invite à confirmer vos données ou à les mettre à jour en cliquant sur un lien qui aboutit sur un autre site internet, celui des escrocs. Alors, la semaine dernière, on avait commencé une semaine dans votre boîte mail avec des emails frauduleux quasiment chaque jour. On en était au jeudi, on continue, on termine la semaine avec le vendredi. Bien sûr. Alors, ce vendredi, j'apprends, grâce à un courriel, qu'Amazon se tourne vers les cryptos. Ouais. Alors, on me promet une rentabilité de 12% par an. Formidable. D'un côté, un vocabulaire pour me rassurer. On me parle d'opportunités en or, de garanties, d'écosystèmes solides et mondiales. Oui, tout ça. Croissance fulgurante, engouement, opportunités uniques, avantages exclusifs, rentabilité optimisée, occasion en or. Formidable. Et de l'autre, un lexique pour me presser à saisir justement cette opportunité en or. Ne refais pas la même erreur. Liste d'attente, première place, avant qu'il ne soit trop tard, maintenant, agissant rapidement, regrette. Ouais. Voilà. Alors, les crypto-monnaies, c'est quoi en fait ? Alors, les crypto-monnaies hein, sont des monnaies numériques, hein, donc virtuelles, qui ont été au début utilisées comme moyen d'échange. Mais elles sont devenues en fait des outils de spéculation financière. Alors du coup, les épargnants novices et parfois très naïfs espèrent ainsi gagner vite et facilement de l'argent en spéculant et en achetant des crypto-monnaies alléchées par des rendements justement importants. Et puis, depuis quelques temps, les escrocs ont bien compris cet engouement. Ils surfent sur la vague de la crypto-monnaie pour piéger ces épargnants potentiels. Donc, l'arnaque la plus courante est celle du phishing avec de faux sites d'investissement. Arnaque alors ? Oui, bien sûr, ça c'est évident. Et un détail m'intrigue, notamment l'adresse de l'expéditeur que l'on pourrait s'attendre à être celle d'Amazon. Et pourtant, on lit Vinci Autoroute. De quoi instiller le doute ? Et en passant mon pointeur de souris sur l'adresse, eh bien, on obtient une adresse très, très bizarre qui n'a rien à voir ni avec Amazon, ni avec Vinci Autoroute. Ça, c'est clair. Bah alors, le samedi, vous avez été tranquille ou encore non, un message ? Non. Samedi, je reçois un message de Cdiscount. Cdiscount a le plaisir de m'informer que le paiement pour ma commande a été effectué avec succès. Tiens donc. J'aurais payé par carte bancaire pour un montant de 525 euros. Je ne sais pas ce que j'ai acheté, mais pour une telle somme, j'espère en avoir pour mon argent. Alors, j'avoue que ma première réaction était un petit coup de chaud, parce que je suis un consommateur lambda et donc pas à l'abri d'une arnaque à la carte bleue. Une personne qui aurait réussi à se procurer mon numéro de carte et qui aurait fait, à ma place, un achat frauduleux. Mais alors, c'était pas un vrai achat ? Non, en effet, parce que le deuxième paragraphe me rassure tout de suite. Si cet achat ne provient pas de vous, veuillez contacter le service client au 09, 73, etc. pour annuler cette commande. Sans nouvelle de votre part, la banque, en majuscule, autorisera le paiement. Ouf ! J'ai compris, c'est une tentative d'escroquerie. En fait, le piège est bien monté. Une commande à votre nom, vous pensez, comme moi, avoir été victime d'un achat frauduleux, et dans la panique, vous appelez le numéro indiqué dans le courriel. Et en fait, là, le piège se referme sur vous. Parce que soit vous êtes simplement victime d'un ping call, c'est-à-dire que le numéro appelé est un numéro surtaxé, et l'objectif est alors de vous retenir le plus longtemps possible pour vous soutirer le plus d'argent possible. Donc cette somme qui peut s'élever à une dizaine d'euros est ensuite prélevée directement sur la facture de votre téléphone quelques semaines plus tard. Soit c'est plus grave, si la personne piégée est vulnérable, elle tombe sur un conseiller qui va essayer de lui faire faire toute une série d'actions et notamment des virements. Donc cette personne lui annoncera qu'un escroc s'est servi de sa carte bancaire pour des achats, qu'il continue, donc il est en train de vider son compte en banque. Ce faux conseiller lui indiquera aussi la marche à suivre, se rendre par exemple dans un bureau de tabac pour acheter un transcash, vous savez, c'est des cartes prépayées, et de lui transmettre les numéros. Donc avec ces numéros, les escrocs récupèrent ensuite les sommes de la carte prépayée. Alors inutile de préciser que dans les deux cas, eh bien, il sera très, très difficile de récupérer les sommes dérobées, voire même impossible. Je ne sais pas si j'aurais pas téléphoné tout de suite, si je ne serais pas tombée dans le piège. Bah oui, parce que tout à fait, ce type de message frauduleux vise en fait à faire paniquer la victime, à confronter à une commande qui en réalité n'existe pas et qui la pousse à essayer de l'annuler avec précipitation. Alors, au moindre doute, hein, ne donnez pas suite et contactez directement le site de vente ou le service de paiement concerné. Hein, n'ouvrez aucune pièce jointe et ne cliquez sur aucun lien. Et pour finir la semaine, vous avez été tranquille dimanche? Eh bien non, dimanche, j'aurais pu espérer que les arnaqueurs font relâche. Eh bien non, je reçois un courriel, mais je comprends pas trop qui m'écrit. Casino, Cdiscount, Floa Bank, enfin, peu importe. Hein. L'essentiel est dans le message, mon numéro de mobile est obsolète et je dois le reconfirmer. Ben, c'est incroyable hein, ce que toutes ces entreprises peuvent perdre, hein, numéro de téléphone, adresse, coordonnées. Et bien entendu, si je ne confirme pas mon numéro, je ne pourrai plus me servir de mes cartes casino ou Cdiscount. Alors vous me direz que ce n'est pas très très grave, hein, vu que je n'ai ni carte casino ni carte Cdiscount. Et puis, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, il y a toujours ces petites phrases d'urgence qui doivent tout de suite vous mettre la puce à l'oreille. Parce que les arnaqueurs comptent bien sûr sur cette urgence que les internautes cliquent rapidement et donnent des renseignements qu'ils n'auraient absolument jamais donnés dans la vraie vie. Alors, petit récapitulatif de tous ces conseils. Oui, alors en conclusion et au risque de se répéter à la réception de ce type de message, vérifiez toujours les adresses des expéditeurs. Fuyez toutes les adresses d'expéditeurs farfelus, vous savez, avec des lettres qui se suivent, etc. Tous les sites officiels ont pour nom de domaine .gouv.fr. Alors, soyez vigilants aussi aux noms qui ressemblent, parce que vous avez parfois des gouv-fr.fr ou des gov, enfin. Donc, tout ça, ce sont des sites frauduleux. Ils poussent le vice hein, jusqu'au bout. Ah oui, c'est très, très bien fait. Méfiez-vous des offres trop alléchantes, hein, parce que le seul but, c'est toujours de vous escroquer. Ne scannez aucun QR code sans vérification. Évitez de cliquer sur des liens qui peuvent vous rediriger vers des sites frauduleux. Et surtout, ne communiquez jamais, jamais vos informations dans un formulaire en ligne. Aucune administration ne vous demande ainsi vos coordonnées bancaires, vos mots de passe, etc. Et si jamais, malgré tout ça, on a été victime ? Eh bien, faites opposition immédiatement auprès de votre organisme bancaire, conservez les preuves, le message reçu, etc. Éventuellement, déposez plainte en cas d'usurpation d'identité ou de débit frauduleux sur vos comptes bancaires. Changez immédiatement tous vos mots de passe si vous les avez donnés. Et puis, signalez tout message ou site douteux à Signal Spam, parce qu'il faut éviter que d'autres se fassent avoir. Il faut surtout bloquer ces adresses de ces sites frauduleux. Bien sûr, tout comme on pourra des fois repérer des faux profils sur les réseaux sociaux et bien on sûr, peut toujours, les signaler. Toujours. Merci encore cette semaine pour tous ces bons conseils, Joël Constanza. Vous êtes responsable de la communication de l'association UFC Que Choisir 37 et on se retrouve tous les mardis à 13h pour des conseils dans cette chronique consommation. Merci beaucoup. Merci, au revoir.